Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons dans les bas-fonds Bagne de Biribi, mais aussi à la Belle Époque. Oui, nous rendons hommage à l'historien Dominique Missica. Dominique Khalifa. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'historien Dominique Khalifa nous a quittés poliment mais brutalement. Il laisse une œuvre écrite d'encre et de sang. Il nous a conduits dans les bas-fonds et à Biribi, dans le Paris du crime et dans celui du sexe. Il nous a fait rencontrer des gens, Vidal, le tueur de femmes, Vidocq aussi, Fantômas. Oui, c'était toujours un plaisir de rencontrer Dominique Khalifa, pour ma part de manière administrative. Il était professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur du Centre d'histoire du 19e siècle, qui réunit les universités Paris 1 et Paris 4, là où j'ai obtenu mon doctorat, mon directeur. Et puis une manière humaine aussi, son pas rapide dans les couloirs et les escaliers 4 à 4. En janvier 2020, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous voulions faire une émission sur les noms d'époque de la restauration aux années de plomb, c'était son ouvrage. Ce que les noms d'époque disent de nous. Dominique nous avait dit, très bien, nous avions prévu d'inviter également Laurent Douzou, et il nous a dit, je viendrai avec Judith Surkis, professeur agrégé d'histoire à l'université du New Brunswick. Nous lui avons dit, mais très bien Dominique, oui, je viendrai, mais elle n'a pas écrit dans l'ouvrage. C'est pas grave, vous allez voir, elle est formidable. Il était difficile de dire non à Dominique Khalifa, non pas par respect pour la figure universitaire qu'il représente, mais tout simplement parce que sa demande géniale au demeurant était produite avec une immense sympathie. Il y a de la chair quand l'on fait de l'histoire, parce que c'est étudier des destins d'hommes et des destins de femmes. Il y a du vivant aussi quand on fait de l'histoire, car ce sont des rencontres. Rencontrer Dominique Khalifa est toujours un grand moment. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre de Dominique Khalifa. Dominique Khalifa qui nous a quitté un travail considérable, une œuvre comme on dit. Nous sentons une émotion très forte autour du décès de Dominique Khalifa. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Michel Perrault. Michel Perrault, vous nous entendez ? Bien sûr, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris Diderot, spécialiste de l'histoire des femmes, du mouvement ouvrier, de la vie carcérale. Mais votre histoire avec Dominique Khalifa commence au milieu des années 1990. Vous êtes sa directrice de thèse, même avant. Le milieu des années 80. À ce moment-là, il vient vous voir. Oui, absolument. Et je me souviens tellement bien de cette rencontre dans les allées un peu crasseuse, les couloirs un peu crasseux de Jussieu, ce beau jeune homme, il était magnifique. Il est resté toujours magnifique, mais il était très beau. Et en même temps, il avait un air un petit peu provocant, vous savez, une boucle d'oreille pour montrer qu'il n'était pas absolument conformiste. Il venait de passer l'agrégation. Il enseignait, il avait voulu enseigner, notamment dans des lycées de la banlieue parisienne, et c'est assez rare finalement que les jeunes normaliens passent 4-5 ans à enseigner. Et il avait décidé de faire une thèse, et à Jussieu, on était tout à fait, pas spécialiste, mais on s'intéressait énormément aux périphéries, aux marges, les exclus, etc. J'avais fait moi-même un séminaire sur les Apaches, qui lui avait bien plu, il était venu. Et bon, il m'a parlé de ce qu'il voulait faire. Il savait ce qu'il voulait faire, tout à fait. Et vous savez, un petit peu plus tard, je lui ai dit, vous êtes mon Apache préféré. Oui, parce que c'est une relation très forte qui se noue entre la directrice de thèse et puis l'étudiant. Quels étaient ces centres d'intérêt? Ils sont intéressants, vous avez évoqué, Michel Perrault, cette boucle d'oreille un peu provocante. Il y a aussi dans le choix du sujet de recherche une forme de provocation. Vous l'avez dit, nous sommes dans les années 1980, la thèse est soutenue en 1994, c'est ça. Hein. 94. Voilà. 94 est publié en 95. Ça n'a pas traîné. Ouais, ça n'a pas traîné. C'est l'encre et le sang. Oui, ces sujets-là, dans ces années-là, étaient des sujets qui pouvaient étonner, provoquer. Nous étions dans de nouveaux champs de recherche. Absolument. Et à ce nouveau champ de recherche, il a donné une grande originalité. On travaillait beaucoup sur le crime à cette époque-là, sur la prison, etc. Mais tout de suite, lui, il a orienté ça vers l'imaginaire social. L'encre, le sang, récit de crime et société, etc. Et vraiment, c'était ça qui était très important pour lui. Il ne voulait pas faire une étude structuraliste, il voulait pas non plus faire une étude réaliste. Il pensait que ce qui était important, c'était les imaginaires sociaux. Mais ces imaginaires sociaux, il les enracinait dans le temps. Voyez, c'était vraiment quelqu'un qui voyait les choses dans la chronologie, dans les lieux, de manière très concrète. Il s'est toujours beaucoup revendiqué de la dimension sociale des choses. Avec nous également ce matin dans le cours de l'histoire, Anne-Emmanuelle de Martini, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 13. Vous avez publié avec Dominique Khalifa, Imaginaire et sensibilité au 19e siècle, étude pour Alain Corbin. C'est un nom qui va revenir, Alain Corbin, parce qu'il est un lien entre tous nos invités. Il y a quelque chose qui nous intéresse ici et qu'a évoqué Michel Perrault autour de cette notion d'imaginaire social. De quoi s'agit-il? Alors, Dominique, je voudrais dire d'abord deux choses. Dominique a apporté énormément à ce champ dont Michel Perrault vient de parler, c'est-à-dire l'histoire du crime, en trouvant une approche qui a été originale, c'est-à-dire l'histoire du crime, mais par ses représentations. Comment accepte-t-on au crime ? On accède au crime par les discours, par les récits. Et je crois que c'est vraiment ça, son profil scientifique, si vous voulez, c'est l'étude des récit de crime. C'est le crime écrit. Hein. Voilà. Et puis, donc, il a vraiment apporté énormément à ce champ qui a commencé à être très très dynamique dans les années 1990. Et c'est à ce moment-là que Dominique a soutenu sa thèse, hein, au milieu des années 90. Donc, il y a là un apport tout à fait important, mais bien au-delà aussi de ce champ de l'histoire du crime. Et là, on va vers l'histoire de la culture de masse. Hein. Et ce qui fait le lien, là, évidemment, c'est il est parti du fait divers. Le fait divers, on a coutume de penser que c'est le crime. Mais en fait, le fait divers, c'est une catégorie narrative. C'est un type de récit. Hein. Ce type de récit, il est porté précisément par les romans feuilletons, par les romans policiers, par la grande presse populaire. Donc on est dans la culture de masse, cette culture de masse qui fabrique les motifs qui parlent aux gens, qui suscitent des émotions et qui fabrique de l'imaginaire. Et là, on en arrive à ces notions que Dominique Khalifa a travaillées. Parce que Dominique Khalifa, il s'est intéressé à des objets. Ça a été le bagne, ça a été le fait divers, ça a été les détectives privés. Mais c'est aussi quelqu'un qui a réfléchi à la manière dont on écrit l'histoire, qui a travaillé sur des notions. Alors, il a creusé cette notion d'histoire des représentations qu'avait beaucoup travaillé Alain Corbin. Et en ce sens, Dominique s'inscrit dans une double filiation, à la fois Michel Perrault et Alain Corbin. Et puis, de la notion de représentation, je dirais, il n'est pas venu tout de suite à l'imaginaire social. Ça a été d'abord par cette notion de représentation, et ensuite l'imaginaire social qu'il définissait comme un système cohérent de représentation qui a pour objet le social, soit les groupes sociaux, des individus, etc. Et là, il y a un très fort rapport. Et alors, je dirais, ce qui est remarquable, c'est que à la fois il y a cette volonté de définir ce que c'est l'imaginaire social, et puis un programme appliqué de manière assez systématique, hein, puisqu'il y a les imaginaires du crime d'abord avec l'encre et le sang, puis il y a les imaginaires sociaux avec les bas-fonds, et puis les imaginaires temporels plus tard avec la Belle Époque et les noms du temps. Anne-Emmanuelle de Martini, il y a d'ailleurs ce jeu constant entre des concepts, des modes de lecture, des modes d'analyse que vous nous expliquez, ces imaginaires sociaux, et puis les sujets étudiés qui sont extrêmement vivants, et ça se ressent hein, dans l'œuvre de Dominique Khalifa, il y a vraiment un intérêt porté sur les gens et sur le temps. Avec nous également aujourd'hui Sylvain Venner, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez publié avec Dominique Khalifa le dossier Bertrand. C'était quoi ce projet du dossier Bertrand ? C'est intéressant déjà, l'histoire même du projet. Ah oui, mais c'est d'ailleurs une facette de l'œuvre de Dominique dont on n'a pas encore parlé, puisque il est effectivement au croisement de cette histoire des marges, des exclus et de l'histoire des représentations, mais il était aussi un historien qui était très très intéressé, alors non seulement par l'épistémologie de la discipline, mais plus encore sans doute par sa poétique. Comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Il l'a fait à plusieurs reprises. À ma connaissance, la première fois, c'est quand il a publié cette étonnante biographie sociale de Vidal, le tueur de femmes, avec Philippe Artière. Et c'était Philippe Artière qui avait beaucoup travaillé avec Dominique Khalifa et qui était arrivé avec ce dossier Bertrand, quelques années après leur biographie de Vidal. Et l'idée était de faire une sorte de jeu d'histoire, puisqu'il avait acheté un dossier d'archives à un brocanteur, un dossier qui valait 15 euros, qu'on appelait le dossier à 100 balles. Et puis avec Anne-Emmanuel, qui est avec vous en studio, et Stéphane Michonneau, on avait essayé de voir ce que cinq historiens qui travaillent sur des objets très différents pouvaient dire du même dossier d'archives. Et c'est passionnant dans un temps limité. Ce qui était intéressant, c'était de voir justement quelles erreurs nous étions capables de commettre, quelles impasses nos propres préjugés nous vers quelles impasses nos propres préjugés nous guidaient, quels étaient les angles morts de nos regards, de quelle façon est-ce qu'on restituait l'archive elle-même. Et c'était plutôt une enquête sur notre ignorance. Et ça, il faut aussi, cette curiosité-là, il l'a eue tout au long de sa carrière. Elle a d'ailleurs, pour une part, aiguisé certains de ses objets de recherche, hein, je pense, à ce que font les chrononymes à la connaissance de l'histoire. Pour avoir travaillé avec lui pendant plus d'une dizaine d'années à l'université Paris 1, je sais aussi que c'était quelque chose à quoi il était extrêmement sensible dès lors qu'il s'agissait de transmettre aux étudiantes, aux étudiants, la façon dont on fait de l'histoire. Voilà, les chrononymes, les noms d'époque, la Restauration, les années de plomb, la Belle Époque, les années noires, ça, c'est qui a permis à Dominique Khalifa de faire cet ouvrage. Hein. Les noms d'époque, on l'a senti vraiment intéressé après avoir étudié la Belle Époque. Et Sylvain Venner, vous évoquez hein, cette curiosité constante. C'est quelque chose qui était évident à travailler avec lui. Myriam Tsikounas, bonjour, vous êtes avec nous également. Oui, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris, hein, Panthéon-Sorbonne. Vous avez, avec Dominique Khalifa, j'ai envie de dire, des relations professionnelles dans les mêmes locaux, c'est-à-dire le centre du 19e siècle de la Sorbonne. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, pour ceux qui ont croisé ce centre et Dominique Khalifa dans ce centre, qui était une évidence, c'est-à-dire une véritable énergie, une curiosité de tout. Oui, alors en fait, j'ai croisé Dominique bien avant, en 1995, lorsqu'il avait terminé sa thèse « L'encre et le sang », qui est devenu un ouvrage très rapidement, comme l'a rappelé à l'instant Michel Perrault. Et nous travaillions sur des choses à la fois différentes et très proches, c'est-à-dire une histoire des représentations, lui sur la grande presse et moi sur le cinéma dit populaire. Voilà, donc ça, nous nous sommes rencontrés chez un autre étudiant, ancien étudiant de Michel Perrault, qui était Jean-Jacques Ivorel, et nous avons évidemment discuté de tout cela. Et quelques jours plus tard, la revue Réseau m'a envoyé un ouvrage qui était L'encre et le sang, me demandant d'en faire une note de lecture. Et voilà, j'ai découvert un ouvrage que j'ai trouvé audacieux, différent, qui m'a énormément plu, et de là toute mon estime évidemment pour Dominique Khalifa, que j'ai retrouvé très peu de mois après, Nous avions décidé avec un collègue sociologue de monter une petite revue, Société Représentation, revue transdisciplinaire. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été abordé. Dominique était aussi partisan de travailler en équipe avec des collègues venus de disciplines connexes, et il l'a beaucoup fait. Voilà, donc Sylvain aussi d'ailleurs, on rejoint très très vite le comité de rédaction. Et ça a été, je dirais, un compagnonnage, puisqu'ensuite Dominique Khalifa a accueilli. J'avais un très petit centre de recherche, et au moment où nous avons dû tous nous fédérer ou fusionner, il nous a accueillis avec beaucoup de générosité. Et c'était très symptomatique de sa conception, je crois, du temps. C'est-à-dire, bien sûr, c'est un historien, au départ 19e, et plus particulièrement un historien de la Belle Époque. Mais c'est aussi un historien qui, finalement, a voulu montrer que ce découpage, comme ça, arbitraire, dans la trame temporelle, ça n'a pas grand sens, qu'on découpe en fonction de son sujet, de son objet, du moment. Quand on regarde ce qu'il a fait pour l'ouvrage du Paris érotique, comme le titre l'indique, ça va des travaux d'Haussmann jusqu'aux 60s, donc jusqu'à l'édification des banlieues. Voilà, une histoire érotique d'Offenbach aux 60s. C'est vrai que c'est osé de prendre comme ça des sujets d'études qui déjà, on va le dire, hein, ont pu provoquer un moment. Aujourd'hui, ils sont complètement admis, mais une histoire érotique de Paris, ou alors des sujets qui sont en marge, en se plongeant sous des sources et pour les faire parler, voir comment elles ont pu évoluer. Nous avons déjà évoqué ces sources, notamment le roman feuilleton. Eh bien, nous allons lire le roman feuilleton à travers la télévision. C'est un téléfilm de Marcel Craven en 1961. Les mystères de Paris, évidemment, inspiré d'Eugène Sue. Et toi ? Moi ? Mais qui es-tu ? Tes parents ? Je les connais pas. Lieu de naissance ? Le coin de la rue. Et qui t'a élevé ? Du plus loin que je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans. J'étais avec une borgnesse qu'on appelait la Chouette. La Chouette ! Quel nom ! Elle avait un long nez pointu et un œil vert tout rond. Et alors ? Elle disait qu'elle m'avait ramassée dans la rue. Elle m'appelait la pégriotte. Elle m'envoyait mendier ou vendre des sucres d'orge sur le Pont-Neuf. Quand je rapportais rien... Ah, t'avais la ratapiole. Quand je rapportais, elle me battait quand même. Pourquoi ? Pour que je pleure. Elle disait que ça attendrit le monde. Elle m'en a tant fait qu'un jour je me suis sauvée. J'ai pas été bien loin. On m'a arrêtée. Comme vagabonde. En prison ? Ben là, au moins, je mangeais à ma faim, on me battait pas. J'avais un toit et un vrai lit. Jusque-là, t'étais comme moi. Un coin de couloir, les pierres plates de la berge. Et l'hiver des draps blancs, quand il tombait de la neige. Et les mystères de Paris, inspirés d'Eugène Sue, donc roman feuilleton phare du milieu du 19e siècle, qui a été pris et repris, et en l'occurrence, ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait d'un téléfilm de 1961. Michel Perrault, dans L'encre et le sang, récit de crime et société à la Belle Époque, Dominique Khalifa utilise tous ces documents qui ont pu être laissés un moment de côté. Cet ouvrage est issu de la thèse que vous avez dirigée. Dites-nous, quel étudiant pouvait être Dominique Khalifa? C'est toujours intéressant de voir où va chercher l'étudiant. En fait, ça correspond aussi à cette curiosité qui marque le personnage. C'était quelqu'un de très très autonome. Il savait ce qu'il voulait faire, absolument. Par ailleurs, il avait beaucoup, vous l'avez dit, beaucoup de curiosité. Il écoutait beaucoup, prenait beaucoup de notes d'ailleurs, et puis posait quelques questions, mais était assez silencieux tout de même. C'était quelqu'un qui était très mystérieux dans le fond. Hein. Il tranchait un peu au milieu des étudiants, et surtout, on sentait qu'il cherchait quelque chose. Il allait au-delà de ce qu'on faisait. Il n'était pas satisfait, par ailleurs. Hein. C'était quelqu'un qui était pris d'une espèce d'absolu, dans le fond, dans tous les domaines. Hein. Mais il suivait son chemin. Moi, j'étais très frappée dans L'encre et le sang de la clarté, de la maîtrise de la pensée et de l'expression. C'est vraiment formidable. Il a une grande connaissance des textes, bien entendu, beaucoup d'imprimés. Bien entendu, Dominique Khalifa connaissait l'archive, les archives. Mais étant donné qu'il travaillait sur l'opinion publique, la presse, l'essor des journaux, il travaillait beaucoup sur les imprimés. Je crois que c'est quand même ça, une de ses marques, en quelque sorte. Et alors, le livre « L'encre et le sang » est remarquablement construit. Fabrique du crime, l'imaginaire du crime, lecture du crime. On voit tout de suite comment c'est construit, pensé, et c'est pas du tout étonnant que Fayard ait immédiatement pris ce livre et l'ait publié, ce qui est quand même assez rare. J'aimerais dire un petit mot de Vidal, le tueur de femmes, qui a été fait dans l'amitié entre Dominique Califa et Philippe Artière. Je crois que c'est pour eux, c'était un grand, grand souvenir. Et c'est très original parce que c'est une biographie à partir d'extraits, d'archives et d'imprimés. Et c'est tout à fait remarquable. Comment est-ce qu'un criminel existe? Comment est-ce qu'une existence du crime se fait par l'écrit? C'est vraiment quelque chose de très, très original, d'extrêmement passionnant, qui a d'ailleurs été édité en 2001 et réédité chez Verdier en 2017. Et il faut dire que beaucoup des livres de Dominique Califa sont réédités, traduits à l'étranger. On n'a pas encore parlé de son rayonnement à l'étranger, mais il est considérable, notamment aux États-Unis. Hein. Je pense à John Merriman et à quantité d'autres. Oui, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Vous avez raison, Michel Perrault. Le rayonnement, parce que il y a l'œuvre d'un historien et puis il y a son écho. Et Sylvain Venère, là, nous venons d'entendre Michel Perrault évoquer l'objet d'étude. En l'occurrence, nous sommes dans les bas-fonds. Il y a Vidal, le tueur de femmes. Il y a l'encre et le sang. Et il y a surtout une manière de lire les sources. Faut pas se laisser piéger quand on va lire des romans feuilletons, parce qu'on peut rentrer dans le texte et vouloir reconnaître la suite. Mais l'historien, l'historienne porte un autre regard. Il faut savoir faire parler les sources de manière différente pour voir le monde à l'envers. Dominique Califa, la fascination de l'envers, d'ailleurs, c'est le titre d'un très bel article que donnent Quentin Duller-Mauz et Hervé Mazurel dans Libération aujourd'hui. Cette fascination de l'envers, mais j'ai envie de le dire, l'envers du monde, les assassins, mais même l'envers des sources. Peut-être donner un exemple qui vient de sa thèse pour que les choses soient un peu claires pour tout le monde. Mais regardez, par exemple, il montre très bien, en examinant les récits de crimes dans les grands journaux populaires de la Belle Époque, en particulier le Petit Parisien, à quel point, à un moment donné, on a une sorte d'apogée du récit de criminel. C'est datable, hein, 1907, 1908. D'un seul coup, vous avez un tiers des unes du Petit Parisien qui sont couvertes de récits de crimes. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait de cette information une fois qu'on a nos chiffres? Est-ce que ça veut dire qu'en 1907-1908, il y avait une brutale augmentation du nombre de crimes en France qui se retrouve mécaniquement à la une des journaux? Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'en 1906, Clémenceau est arrivé au pouvoir, que parmi son projet, il s'est engagé à déposer, parmi son programme, il s'est engagé à déposer un projet d'abolition de la peine de mort. Le président de la République de l'époque est un abolitionniste. Clémenceau sait que ça ne passera pas parce que de toute façon le Sénat est contre. Mais c'est dans ce contexte-là qu'on voit augmenter à ce moment-là brutalement le nombre de récits de crimes dans la presse. Qu'est-ce qui naît à ce moment-là? C'est quelque chose dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui naît, c'est le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire cette déconnexion entre la réalité des crimes, la façon dont ils sont présentés dans les journaux et le mécanisme qui autorise cette augmentation du récit de crime. Vous voyez, je pourrais sans doute donner d'autres exemples, mais c'est celui qui me vient pour montrer comment est-ce qu'on peut travailler comme ça de façon efficace à partir de l'imprimé, puisqu'effectivement l'imprimé était son massif de sources principales. Oui, et des sources absolument exceptionnelles. Il faut bien souligner que dans ce jeu constant du travail de Dominique Califa, il y a la recherche des sensibilités, une histoire des sensibilités et de l'imaginaire, et le tout, et c'est en cela que c'est passionnant, avec une lecture temporelle. Myriam Tsikounas, cet imaginaire, ce développement d'un imaginaire est quelque chose qui transparaît dans l'ensemble du travail de Dominique Califa. Il y a le fait, l'événement, le fait divers en l'occurrence, la manière dont il est lu et la manière dont, à travers le temps, il est transformé. Oui, alors je voudrais juste revenir sur Vidal. Vidal, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important parce que Philippe Artière et Dominique Khalifa y apportent la preuve que finalement, du passé, on ne saura jamais grand-chose. C'est-à-dire qu'il prend, c'est une biographie, mais tous deux interrogent Vidal et finalement transforment une personne qu'ils disent un assassin, une personne assez banale, un assassin assez banal, en figure et en personnage un peu cubiste, polyphonique, en additionnant, en les replaçant dans leur chronologie et en additionnant tous les fragments de discours qui ont été tenus sur lui à l'occasion du crime et du jugement. Et évidemment, il nous démontre que tous ces discours, mis bout à bout, étant des discours équivoques ou contradictoires, parce que émanant d'institutions différentes, le médical, le judiciaire, le policier, le médiatique, finissent par donner une espèce de description de quelque chose d'un peu monstrueux, beaucoup plus riche que la personne ne l'a été. Et ça finit par être un peu la description à la Flaubert de la casquette de Bovary. Oui, c'est ça. C'est cette recherche de sources pour essayer de comprendre le personnage. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui doit intervenir dans l'émission. C'est Alain Corbin qui nous écoute, c'est certain, et qui dans l'émission Hors Champ sur France Culture en août 2016 s'étonnait de ces 99% de la population du 19e siècle qui a disparu sans laisser de traces. C'est terrible, ça, c'est de penser que 99% de la population du 19e siècle, qui n'est pas très éloigné de nous, est complètement disparu sans laisser aucune trace. Ça, c'est une source d'angoisse pour l'historien, d'être incapable de trouver les sentiments, les émotions des gens qui appartenaient au peuple, en fait. Ça n'a pas empêché les historiens d'en parler, parce que les historiens ne craignent guère l'imposture. Hein. Donc, on a largement parlé de tout cela, des émotions populaires, mais en fait, il faut vraiment de l'écriture de soi, il faut du journal intime, il faut de la correspondance, il faut voir de l'autobiographie, ou avoir été mêlé à une affaire judiciaire, justement, pour qu'on commence à parler de l'individu et à commencer d'imaginer ses sensations, ses émotions, c'est la manière dont il accueille le monde, en quelque sorte. Alain Corbin, qui évoque justement ces gens du passé, qui sont nos ancêtres, qui sont des gens très proches de nous, surtout ceux du 19e siècle, ils nous ressemblent énormément, qui n'ont pas tous laissé de traces. Et il y a cette quête de traces, mais qui passe toujours par un imaginaire, et puis par ces sensibilités difficiles à définir, mais qu'Alain Corbin a très bien étudié, Anne-Emmanuel de Martini. Vous avez publié avec Dominique Khalifa « Imaginaire et sensibilité au 19e siècle », en écho à ce que vient de dire Alain Corbin. Il y a cette surprise sans cesse, en construisant une histoire au 19e siècle, de voir des échos contemporains avec notre monde, et à la fois une difficulté énorme de construire cette histoire. Il faut aller chercher les sources, réussir à les faire parler, réussir à reconstruire cet imaginaire, et Dominique Khalifa a contribué dans cette démarche historique. Imaginaire et sensibilité, c'est un ouvrage que nous avions conçu ensemble, comme un hommage à Alain Corbin, qui a beaucoup compté, on l'a dit, pour Dominique Khalifa. Et dans la manière dont nous avions conçu l'hommage, il y avait une particularité qui, à mon avis, est très significative du rapport de Dominique Khalifa à l'université et la manière dont il concevait son rôle. C'est-à-dire que ce mélange n'était pas un mélange traditionnel qui rassemble ensemble des collègues, des proches, et plus ou moins proches d'un collègue qu'on veut honorer et qui vient de partir à la retraite. Et Dominique avait défendu l'idée que nous avons retenue, hein, finalement, tous deux, qu'il fallait donner la parole aux étudiants d'Alain Corbin, c'est-à-dire ceux qui avaient fait leur thèse avec Alain Corbin. Et je pense que, voilà, ça nous ramène au fait que Dominique Khalifa était très très investi dans son travail de directeur de recherche. Ça, c'est quelque chose de tout à fait qui mérite d'être souligné. Hein. Ses masterants, ses doctorants, c'est un grand lecteur. Hein. Il lisait beaucoup, il lisait avec beaucoup d'attention. Il leur donnait des conseils. Je pense que ça, c'est un élément tout à fait important. Il y a quelque chose qu'on n'a pas tout à fait dit. Je voudrais rebondir sur le terme de l'envers. Hein. Hier avec avec Philippe Artière, dont on a beaucoup parlé hein, dans cette émission, parce qu'ils étaient tous deux très proches, ils se sont connus très tôt. Finalement, on réfléchissait, mais quel est le... Je lui posais la question, mais pour toi, quel est le plus grand livre de Dominique? Et il me disait, c'est Biribi. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur Biribi, parce que Alain Corbin parlait justement de ces hommes qui ne laissent pas de traces au XIXe siècle. Et là, on a quand même des traces terribles de cette expérience qu'a été le bagne. Alors, pourquoi je disais l'envers? Parce que Biribi, le bagne militaire, c'était tout à fait affreux et c'était le cachot de l'armée en Afrique, et c'est l'envers de la Troisième République. Donc, Dominique, c'était aussi celui qui savait montrer non pas seulement les bas-fonds, hein, mais aussi le... Enfin, oui, c'est ça, en fait, c'est les bas-fonds, c'est le dessous du monde qui se voit, de la vitrine. Hein. C'était une expérience extrême, l'expérience du bagne militaire, et il a dit « c'est une expérience oubliée ». Il fallait ça, la raviver. Biribi, les bagnes coloniaux de l'armée française, qui est apparu en 2009. Biribi que nous connaissons également à travers la chanson d'Aristide Bruand, chantée là par Patachou. À Biribi, c'est en Afrique, où que le plus fort est obligé de poser sa chique, ou de faire la mort, où que le plus malin désespère de faire chibi. Car on peut jamais se faire la paire à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est là qu'on marche, faut pas flancher. Quand le chaouche crie en avant-marche, il faut marcher. Et quand on veut faire des épates, c'est peau de zébi. On vous met les fers aux quatre pattes, à Biribi, à Biribi. Patachou qui chante Biribi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous rendons hommage à Dominique Khalifa. Dominique Khalifa qui laisse une œuvre, disons-le comme ça, le mot est pompeux. En vérité, Dominique Khalifa laisse aussi un parcours de recherche depuis L'encre et le sang, donc sa thèse publiée en 1995, et puis jusqu'au nom d'époque de Restauration à Annette Plomb, publié en 2020. Un parcours, et Anne-Emmanuelle de Martini nous disait qu'en discutant avec Philippe Artière, il se disait, mais tiens, quel est le plus grand livre de Dominique Khalifa? Myriam Tsikounas, je ne vais pas vous poser la question, c'est piégeux, mais je voudrais vous demander, vous, dans ce parcours de réflexion de Dominique Khalifa, qu'est-ce qui vous intéresse à partir de tout ce qui est votre objet d'étude, hein, image, société, représentation? C'est ce regard, moi, qui me fascine de Dominique Khalifa sur la représentation des choses, comment un fait est transformé au moment même où il a lieu, comment il est raconté et comment à travers le temps il est de nouveau transformé. Alors moi, ce qui me fascinait dans sa façon de travailler, c'était de ne pas se limiter, enfin prendre des sources et à chaque fois se demander quelle était la spécificité de ces documents qu'il était en train d'analyser. Il a aussi étudié des images et évidemment il s'est alphabétisé à l'image, il a essayé de comprendre comment un film à la fois racontait et montrait, comment il y avait à la fois un montage et une scénographie, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait vraiment la volonté à la fois de regarder, d'observer ce qui était dit ou montré, et la façon, la dramaturgie, la façon dont c'était dit ou montré. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui le caractérisait. Et puis, ce qui le caractérisait aussi, je crois, c'est d'avoir travaillé sur des détectives, sur la police privée, sur des choses comme cela, et en fait, d'être lui-même, enfin de rappeler que c'était le miroir de nos métiers, que nous sommes nous aussi des détectives, enfin on peut reprendre évidemment Mythe, Emblème, Trace de Gainsbourg, mais lui aussi a fait le détective tout au long de sa carrière et a traqué des sources, souvent originales, souvent peu légitimes, et s'est demandé comment les analyser. Je crois qu'il n'a jamais été dupe non plus. Il savait aussi réfléchir sur la façon dont ces sources, ces archives avaient été construites, la façon dont elles avaient été conservées ou pas conservées, ce qu'on nous en donnait à voir et comment, en fonction des résultats, de ce qu'il était possible de voir, de ce qui était impossible de retrouver, eh bien, on avait une histoire plus ou moins biaisée. Myriam Sikonas, vous avez raison de souligner ce lien qui peut être fait entre l'histoire qui est une enquête, étymologiquement c'est une enquête, et puis les sujets d'études de Dominique Khalifa, toutes ces enquêtes et tous ces crimes. Et puis dans son parcours, Michel Perrault, il y a des sujets d'études qui peuvent étonner, notamment venant de l'université. Je pense par exemple à Fantomas. Michel Perrault, vous avez sans doute une fierté évidente pour votre étudiant qui réserve des surprises ensuite, après la thèse, avec ses publications, quand sort des Fantomas ou des ouvrages de ce type-là, une fierté très légitime. Oh, mais je trouve ça formidable. Moi, j'ai toujours trouvé formidables les publications de Dominique, qui nous apprenait toujours quelque chose, qui nous rendait familiers, parce que on avait l'impression que lui-même était très familier. Fantomas, c'était un copain, quoi. Il le rencontrait au coin de la rue. Ce qu'il a écrit sur Fantomas, c'est absolument magnifique. Et à la fois, il y avait cette empathie, ce sentiment d'être dans ce qu'il évoquait, et puis cette distance aussi, qu'on a évoquée à l'instant, sur les mots et les images. C'était quelqu'un qui était très passionné par l'image et par le cinéma. Dans Vidal, tueur de femmes, ils évoquent l'un et l'autre Godard, enfin, faire quelque chose comme monter les choses comme le ferait Jean-Luc Godard. Et en même temps, ce sens du temps, qui est au fond un petit peu notre comme un terroir à nous les historiens. Par exemple, quand il écrit que, comme toute construction historique, les imaginaires sociaux sont inscrits dans un temps, ils ont un début et une fin, ce qui seul peut les rendre perceptibles par l'historien, écrit-il dans Les Bas-fonds. Et dans Les Bas-fonds, il le montre merveilleusement. Il montre comment les lieux des bas-fonds évoluent, comment les bas-fonds se dissolvent, deviennent autre chose, deviennent le milieu, deviennent même les banlieues. Hein. Et pourquoi les lieux changent et pourquoi les mots changent? Autrement dit, à la fois la plongée concrète, directe, sensible, cinématographique dans ce qu'il évoque, et la distance de l'historien qui permet de faire cette épistémologie foucauldienne, en quelque sorte. Oui, avec ce sens du temps qui est au cœur de la démarche de l'historien, de l'historienne. Nous travaillons sur le temps. Le temps est quelque chose d'essentiel, et Dominique Khalifa a publié Les Noms d'époque, c'était en 2020. C'est presque le fruit de son parcours. Il réfléchit sans cesse au temps, et c'est toujours intriguant de se dire, tiens, il manquait un ouvrage pour réfléchir aux noms d'époque. Pourquoi dit-on Restauration, Année folle, Belle époque, Année de plomb? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce parcours, Sylvain Venner. Il y avait quelque chose de très fort, et Dominique Khalifa portait son ouvrage Les Noms d'époque, parce que nous sentons que cette réflexion sur le temps, qui est au cœur du travail d'historien, nécessite de temps en temps, eh bien, de s'arrêter et de réfléchir aux mots que l'on étudie. Et ce qu'il a fait dans Les Noms d'époque. Oui, qui est en fait un collectif qui est la conséquence du travail qu'il avait entrepris pour le livre précédent qui s'appelle La véritable histoire de la Belle Époque. Puisque son premier gros travail, je me souviens, puisque c'était le moment c'était la dernière année où nous étions collègues, puisqu'il avait créé un cours à l'université de Paris 1 à ce moment-là, dont j'étais également chargé sur cette ce qu'on n'appelait pas d'ailleurs encore à l'époque tous les deux un chrononyme, c'est-à-dire la façon dont avait émergé et le mot Belle Époque et l'imaginaire qui l'accompagne. Et donc c'était un cours dans lequel les étudiants s'inscrivaient avec le sentiment qu'on allait leur parler du 19e siècle, ce qu'on faisait évidemment pour partie, mais dans lequel on leur parlait pour l'essentiel du 20e, c'est-à-dire de la façon dont cette Belle Époque avait été construite comme mythe à partir de la fin de l'entre-deux-guerres. Et ce travail empirique qu'il a mené sur le chrononyme qu'il connaissait le mieux, il a ensuite élargi en demandant à toute une équipe d'historiens de venir travailler sur d'autres noms d'époque, la Restauration, les années de plomb, le printemps. Enfin, il en a fait plusieurs choses, parce qu'il avait d'abord il en a d'abord fait un numéro spécial de revue, puis ensuite ce livre qui est paru cette année. Sylvain Venner évoque toute une équipe d'historiens autour de l'ouvrage Les Noms d'Époque. Anne-Emmanuel de Martini, cette notion d'équipe est importante autour de Dominique Khalifa. Il y avait une vraie émulation autour de lui. Il savait parler aux gens, il savait réunir les gens pour produire de la réflexion, alors que ce soit des colloques, que ce soit autre chose. Mais il y avait cette énergie, cette émulation qui est essentielle en histoire. Je dirais que Ce qui était précieux pour moi, c'était que Dominique était quelqu'un avec lequel on pouvait parler, on pouvait échanger, on pouvait discuter en toute franchise. C'est quelqu'un qui vous faisait progresser dans votre propre réflexion. Lui-même, évidemment, se nourrissait des échanges avec ses collègues amis et pas seulement en France, hein. Ça a été dit assez brièvement, mais Dominique était quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait rencontrer des collègues au-delà des frontières nationales, qui avait finalement beaucoup d'amis, en particulier aux États-Unis. Je voudrais quand même mentionner Sarah Maza, de qui il a été très proche, hein, ils étaient très très liés, des amis également au Canada, c'était quelque chose de très important pour lui. On a parlé de Vidal. On a parlé le tueur de femmes, on a parlé du dossier Bertrand. Et ce que je voudrais rajouter à propos du dossier Bertrand, par rapport à ce qu'a dit Sylvain, c'est que finalement, Dominique aimait bien jouer. Hein. C'est ce qui aussi le rendait extrêmement agréable. Hein. Il y avait cette petite fantaisie et le dossier Bertrand, c'était très ludique. Et dans ce jeu qui avait quand même, une finalité sérieuse, hein, puisqu'il fallait réfléchir sur, au bout du compte, les méthodes de l'historien. Et bien, c'est Dominique qui était allé peut-être le plus loin dans le jeu, hein, en produisant un récit aux limites du récit fictionnel. Oui. Et ça, je trouve que c'est un point important, parce que c'est le professeur d'université à la Sorbonne, directeur de centre, très central dans l'institution et dans la discipline historique. Et puis, il y avait cette dimension ludique, fantomas, quoi. Oui, fantomas. Anne-Emmanuel de Martini, justement, pour les auditeurs. Et puis, pour comprendre cette volonté de jouer, ce plaisir de jouer, nous écoutons Dominique Khalifa, qui était interviewé dans les Lundis de l'Histoire. C'était en 2013. Je fréquentais depuis si longtemps les arrière-salles de café, les mauvais lieux, les bars louches, les lupanars, etc., qui étaient donnés avec une telle identité par les journaux, par les romanciers, par les policiers, par l'ensemble des observateurs sociaux, que l'idée était de comprendre véritablement quelle était la nature de ces lieux. Ces bas-fonds que le 19e siècle invente d'une certaine manière, même s'ils reprennent des tas de motifs, des tas de figures qui sont immémoriaux presque, mais que le 19e siècle réorganise et reconfigure en les nommant. Je voulais un petit peu savoir effectivement comment ils ont été construits, avec quels matériaux, sur quel registre et avec quels mots et quels textes finalement ils étaient capables de nourrir, et comment surtout ces figures allaient s'imposer avec autant de prégnance dans nos imaginaires. Ah oui, ils se sont imposés dans nos imaginaires et grâce à Dominique Khalifa, grâce à ses travaux sur les bas-fonds, nous avons une autre lecture de ce monde-là, au-delà de ce que les romanciers bien souvent nous ont donné. Michel Perrault, c'était vous qui interrogiez Dominique Khalifa dans les lundis de l'histoire. Une conversation en fait constante, et il faut le rappeler, il y a les livres, c'est très important, mais il n'y a pas que ça en histoire, il y a ces moments où l'on discute. Les conversations avec Dominique Khalifa, je le dis comme ça me vient, c'était quelque chose. Ah oui, absolument. La parole, c'était très important, et c'était une parole, on vient de l'entendre là. Ça m'a beaucoup ému d'ailleurs d'entendre cela, parce que j'ai reçu à plusieurs reprises, comme Dominique a beaucoup publié, et à chaque livre, c'était un événement. Hein. Donc c'était un bonheur de l'inviter au lundi de l'histoire, et il parlait très bien. Il parlait vraiment de manière très spontanée, jamais précieuse, alors que il y a une certaine préciosité chez lui aussi, ça dandy, hein, tout à fait. Oui, c'est un homme à multiples facettes, il faudrait des heures pour parler de lui, je crois. Il faudrait des heures pour parler de lui, et c'est pourquoi, dans le cours de l'histoire, nous voulions cette évocation de Dominique Khalifa, bien sûr, mais aussi de son travail, de sa démarche dans la que Quentin Duller-Mose et Hervé Mazurel consacrent à Dominique Khalifa et qui est publié dans Libération. Il y a ces mots pour terminer. Dominique a pris une dernière porte dérobée et il nous laisse démunis, mais plus riches, immensément plus riches. Merci beaucoup à vous, Michel Perrault, d'être venu pour nous parler de Dominique Khalifa. Merci Anne-Emmanuelle de Martini, merci Sylvain Venner, et merci également à vous Myriam Tsikounas. Et puis, pour mieux connaître tout simplement Dominique Khalifa, il faut lire ses livres. Il faut lire ses livres parce que c'est toujours un plaisir. Il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anna Esquien avec son journal de l'histoire. France Culture, l'esprit d'ouverture. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les archives, un sujet sensible pour l'histoire de l'Irak. 5 millions de documents du parti Baas, le parti de Saddam Hussein, rappelez-vous, ont été restitués en toute discrétion à l'État irakien le 31 août dernier, soit 17 ans après l'invasion des États-Unis, alors dirigée par George Bush, qui s'était soldée par la capture de Saddam Hussein et la chute du régime. Les forces militaires américaines ont arrêté Saddam Hussein vivant. Après avoir privé des millions d'Irakiens de leurs droits, l'ancien dictateur irakien devra faire face à la justice. La capture de cet homme est cruciale pour l'avènement d'un Irak libre. Elle marque la fin de la route pour lui et pour ceux qui ont terrorisé et tué en son nom. Pour la majorité des Irakiens qui aspirent à la liberté, l'événement d'aujourd'hui renforce le sentiment que les salles de torture et la police secrète appartiennent désormais au passé. Ces archives avaient été retrouvées au siège du parti Baas dans la ville de Bagdad en ruine et confiées aux autorités américaines par l'archiviste et opposant Kanan Makia alors que le pays s'enfonçait dans la guerre civile. D'après l'AFP, elle serait composée de correspondances du parti avec les ministères, de dossiers de membres du parti interdits depuis et de lettres de délation incriminant des citoyens critiques du régime et de son leader. 35 années d'archives accumulées, le miroir d'un pouvoir politique qui a construit l'histoire irakienne après le renversement de la monarchie en 1958. Les archives restituées ont été stockées depuis leur retour et le gouvernement irakien ne souhaite pas les ouvrir aux chercheurs ou au public. Ce qui est en jeu, la paix sociale et le risque hautement élevé que ces documents ne révèlent de manière incontrôlée l'identité des délateurs et de leurs victimes après des débordements et des fuites dans la presse déjà connues par le passé. Ces archives de l'Irak de Saddam Hussein sont devenues explosives pour l'Irak contemporain et leur sort ouvre un débat délicat dans le pays sur leur utilisation. Quand le régime s'est effondré en 2003, il a laissé derrière lui des milliards de fichiers. Et malheureusement, ces dossiers ont été dispersés parmi les citoyens, des partis politiques, des ONG et même des services secrets étrangers. Les archives irakiennes ont été dispersées dans le chaos d'après-guerre, alors que l'urgence était à la reconstruction des infrastructures élémentaires pour sa population et son État. Source indispensable pour l'élaboration de l'histoire du pays, ces documents pourraient aussi faire la lumière sur les nombreux disparus sous le régime de Saddam Hussein et permettre aux familles de faire un deuil nécessaire. Dans une situation d'autant plus absurde que des historiens américains, certes triés sur le volet, ont eu accès à ces archives jusqu'ici conservées et numérisées à la Hoover Institution, à l'université de Stanford, tandis que leur accès est toujours interdit aux historiens irakiens, alors qu'un travail sur l'histoire de l'Irak baasiste se fait urgent à l'heure où sa mémoire bénéficie d'une certaine réhabilitation face à une classe politique au pouvoir désavouée par les Irakiens eux-mêmes. Si la mise au secret de ces archives constitue un crime pour certains, d'autres craignent que leur contenu ne plonge le pays dans un nouvel épisode de violence. Le débat est donc ouvert sur le travail minimum de réconciliation à faire, au préalable, mais celui-ci est-il tangible sans savoir ? Ces archives garantissent encore la possibilité d'une histoire, mais pas nécessairement celle d'une paix retrouvée. Pas nécessairement. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens, une émission préparée par Maïwenn Guizhou. Vous pouvez la réécouter, cette émission en ligne et toutes les autres émissions sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion et la semaine prochaine, les animaux et nous, une longue et belle histoire de l'Égypte pharaonique quand les animaux étaient des dieux. À la prise de conscience de la nécessaire protection animale, nous allons croiser des dragons et plein d'autres bestioles, et bien sûr des licornes. Oui, les bêtes et les hommes, parce que c'était elles, parce que c'était nous.